L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il existe une étoile à neutrons pas comme les autres. Elle est nommée MXB 1730-335 et surnommée le Rapid Burster ou RB. Ce qui la rend unique et mystérieuse depuis sa découverte il y a 40 ans, c'est sa capacité à produire des bouffées de rayons X très erratiques et très intenses, autant que brusques. On appelle ce type de bouffée des bouffées X de type 2. Il n'existe que deux étoiles à neutrons connues qui possèdent cette caractéristique. Mais aujourd'hui, des astrophysiciens pensent avoir compris l'origine de ces bouffées de rayons X atypiques. Le Rapid Burster est une étoile à neutrons particulière à plus d'un titre, car elle montre non seulement des bouffées X de type 2, mais aussi des bouffées X de type 1, qui sont des émissions X moins intenses et différentes dans leurs caractéristiques, et beaucoup plus communes chez les étoiles à neutrons. Les astronomes néerlandais, menés par le chercheur doctorant Jacob van der Heijden de l'Anton Pannekoek Institute for Astronomy à Amsterdam, ont observé le Rapid Burster avec trois télescopes spatiaux différents. Tout d'abord avec l'américain Swift pour suivre son activité et repérer l'apparition d'une bouffée de type 2. Puis New Star et l'européen XMM Newton durant l'une de ces bouffées atypiques observées en octobre 2015. Ils ont détecté l'émission X provenant à la fois de la surface de l'étoile à neutrons, mais aussi celle du disque de gaz l'entourant en formant un disque d'accrétion. La très grande qualité de leurs observations leur a permis de voir, après modélisation, comment la raie d'émission K du fer se réfléchit sur le gaz entourant l'étoile à neutrons. Ces mesures montrent que le disque de gaz qui entoure MXB 1730-335 s'arrête brusquement à une distance de 41,8 fois le rayon de l'étoile à neutrons, ce qui fait environ 87 km. Le disque de matière se trouve donc tronqué, et ce phénomène est associé par les chercheurs à une action du champ magnétique de l'étoile à neutrons. L'observation les conduit au calcul de la valeur de ce champ magnétique qui vaudrait pas moins de 6,2 10 puissance 8 Gauss, soit 5 fois plus intense que les champs magnétiques rencontrés classiquement dans les étoiles à neutrons au sein de systèmes binaires, et accessoirement 1 milliard de fois plus que le champ magnétique terrestre. Le vide existant entre l'étoile à neutrons et le bord interne du disque d'accrétion permet d'expliquer l'origine des bouffées de rayons X atypiques de type 2. Le processus tel qu'il est décrit par van den Heijden et ses collaborateurs serait le suivant. L'étoile à neutrons se trouve liée avec une étoile compagne de faible masse dans un système binaire et lui arrache du gaz qui s'accrète peu à peu autour d'elle en formant un disque avant de spiraler vers l'étoile à neutrons. Cette situation est classique, mais ce que montrent les astrophysiciens, c'est que l'intensité du champ magnétique qui est en rotation, car il est lié à la surface de l'étoile à neutrons, empêche la matière de s'approcher trop près de l'étoile à neutrons, conduisant à une accumulation de gaz de plus en plus importante. Et la forte accumulation finit quand même par pousser, entre guillemets, le gaz petit à petit vers la surface de l'étoile à neutrons, et ce faisant, la vitesse de rotation du gaz augmente. Mais arrivé à une certaine distance de la surface, la vitesse de rotation du gaz accumulé devient telle que l'effet du champ magnétique en rotation de l'étoile à neutrons n'est plus efficace pour le contenir, et il se met alors à littéralement tomber en masse à la surface, provoquant de brutales réactions nucléaires associées à ces énormes émissions de rayons X. Une fois vidé, le disque d'accrétion recommence à se reformer en accumulant du gaz repoussé temporairement par le champ magnétique de l'étoile à neutrons et formant cette césure caractéristique. Le Rapid Burster se trouve avoir des caractéristiques communes avec la seconde étoile à neutrons connue pour produire des bouffées de type 2, la dénommée Bursting Pulsar, découverte dans les années 1990. Un champ magnétique très élevé et une étoile compagne de faible masse et qui semblait, elle aussi, montrer un gap dans son disque d'accrétion. Ce résultat est un pas important dans la résolution d'une vieille énigme de 40 ans. Cette étude permet également de révéler de nouveaux détails sur les interactions entre les champs magnétiques et les disques d'accrétion qui façonnent ces objets astrophysiques exotiques. L'article de Jacob van den Echten et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le numéro 466. Et donc, il a pour titre « A strongly truncated inner accretion disk in the Rapid Burster ». Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr. Ça se passe là-haut ? Le blog où l'univers des étoiles à neutrons se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission comme toujours sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube et sur Ça se passe là-haut. D'ici la prochaine, portez-vous très bien, restez bien les yeux vers le ciel. Ce soir, un bel alignement Lune-Mars-Vénus que vous pouvez admirer à l'horizon sud-ouest. Allez, à très bientôt donc, et bah voilà quoi. Allez, salut !